l'Éternel de Johann Sfar. Adaptation, Laure et Mazière. Troisième partie. En 1917, deux frères juifs sont soldats sur le front russe. Il y a Jonas. Cain, mais c'est pas vrai, mais tu pisses contre le vent. Et il y a Cain, son grand frère. Ah, oh, tu sais que bander malgré ta musique déprimante, c'est un tour de force. Haïdé, une paysanne russe dont il n'a pas grand-chose à faire, est enceinte de lui. C'est juste une paysanne et je la baise. Oui, mais mon enfant, c'est le tien. Un jour, leur bataillon est attaqué. Qu'est-ce que c'est? Jonas est tué dans la bataille, sous les yeux de son frère. Haïdé, elle aussi, est assassinée. Seul survivant, Cain se rend à Odessa, sa ville natale, pour annoncer la mort de Jonas à Yelena, sa fiancée. Qu'elle est jolie. Mais le charme de la jolie femme agit sur lui. Et s'il l'épousait plutôt? Leur baiser réveille alors un étrange cadavre sur le front russe. On peut pas dormir tranquille? Jonas. Il découvre qu'il est devenu un vampire. Oh. Persuadé que sa bien-aimée voudra de lui malgré cette petite spécificité, il se rend à Odessa et découvre Yelena mariée à son frère. Il est fou de douleur, d'autant plus quand il découvre qu'ils attendent un enfant. Mais il y a pire. Au premier cri du nouveau-né, un nouveau cadavre se réveille. Jonas. Haïdé. Je suis contente de te voir. L'ancienne maîtresse de Cain ne supporte pas qu'il ait un enfant avec une autre et vient à Odessa pour se venger. Je suis un vampire, je tue des gens. Jonas se découvre alors une nouvelle mission. Lâche cet enfant tout de suite. Protéger la famille de son frère. New York, 2015. 100 ans plus tard, nous rencontrons Rebecca Streisand, psychanalyste glam rock aux formes généreuses originaire d'Odessa. Une jeune fille, c'est Streisand. Vu qu'on enterre mon mari, maintenant c'est mon nom, Rebecca Streisand. Elle enterre aujourd'hui son mari Mendel, une star du rock klezmer. Les journaux disent n'importe quoi sur mon fils. Cette femme-là, c'est que des mensonges, j'y crois pas une seule seconde. Mendel vient de se suicider pour une femme dont Rebecca ne sait rien. Ah, il est là-bas, regarde. C'est alors qu'en plein cimetière... T'as un fan de la dernière heure, habillé en ange de la mort avec une grande cape. Apparaît Jonas, le vampire de 1917. C'est un vrai mort. Arrêtez-vous. Il est venu poursuivre une psychanalyse avec elle. Je suis pas un serial killer, hein. C'est ma nature. On m'a pas reproché au lion ce qu'il peut oser. Il a un trou noir. Alors, peut-on parler de vos débuts en tant que vampire? Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande partie de son histoire s'est effacée de sa mémoire. Vous voyez le trauma quand même? Rebecca accepte de commencer des séances avec Jonas. Je vois Jonas. Qui tourne vite en un singulier jeu de séduction. Vampire égale danger. Patient égale tabou. Hier soir, venez me rejoindre Rebecca. Jonas a invité Rebecca à le rejoindre dans son château. Rebecca, tu crains? Elle arrive à l'aube. J'ai un peu froid. Le vampire dort. Jonas? Rebecca se plonge alors dans la baignoire de Jonas et commence à lire son journal intime. C'est sans compter sur la présence d'une femme qui l'épie. Liane, l'étrange colocataire de Jonas. Comment oses-tu? Par jalousie, lâche-moi! Elle se jette sur Rebecca et tente de la noyer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, hein? C'est ma colocataire, Liane, que j'entends. Elle est avec notre femme. Elle fornique, c'est sûr. Et je ne savais pas que ma colocataire aimait ça. Ouh, ça m'excite. Je me calme, il faut que je me calme. Du calme, Ricardo, ce n'est rien. Dio mio, dans la baignoire, deux lesbiennes, en levrette. Non, elles ont un goût de ceinture. Ouh, si je continue, je vais encore me transformer. Non, j'y vais pas, je dors. Je compte les cochons. Un cochon, deux cochons. Madonna Santissima, il faut que j'en aie le cornet. Ricardo, tu tombes bien. Il faut se débarrasser du corps avant qu'Yona se réveille. C'est qui cette grosse? Elle est morte? Non, elle va jamais crever, cette conne. Passe-moi un ciseau. On dit une paire de ciseaux. Et arrête! C'est quoi ce nouveau truc de tuer les gens? Le mandragore, ça tue pas les gens, Liane. Merci. Merci. Merci, monsieur le sauveur. Mais dites donc, c'est un très beau mec, couvert de poils. Une sorte de Jeff Goldblum, pas maigre et pas juif, sans défaut, quoi. Javier Bardem, en moins espagnol, sans défaut. En plus, il pue. Oh, que des qualités. Monsieur le sauveur, merci, enchantée. Rebecca? Je vais prendre une douche, vous m'attendez à côté. Tenez, mettez ça. Une serviette. Merci. Ça fait plaisir. Je commençais à être gênée. Par contre, je vous en supplie, me laissez pas seule avec cette folle. Mais, madame, je ne suis pas présentable. Je ne savais pas que vous veniez. Je suis très honorable. Au contraire. Le vampire dort, personne ne me protège. Moi, je m'éloigne pas de vous. Rebecca, je vais pas te tuer, ok? Mais alors tu te casses tout de suite. Mais j'ai pas l'intention de te piquer ton amoureux. C'est ton amoureux, le vampire? Tu n'as rien compris. Bah explique-moi alors. C'est pas moi qui suis venue le chercher, hein, ton vampire. Excusez-moi, mais de quoi vous parlez? Jonas veut un docteur, pour se souvenir. Il a tort. Cette fille-là, c'est le docteur. Thérapeute, ils appellent ça comme ça de nos jours. Mais à mon avis, c'est surtout une fouineuse. Hein. Bon, écoute, Rebecca, il ne faut pas qu'il se souvienne, tu comprends? Il sait déjà beaucoup trop de choses. C'est sa décision, c'est lui. S'il savait de quoi il ne faut pas se souvenir, il ne voudrait pas s'en souvenir. Allez, dis-lui, Ricardo, explique-lui le problème. Oui. Madame, il faut que vous arrêtiez d'être aussi belle. Pour moi, c'est un problème. Non, c'est pas drôle. Madame, le décolleté, là, il me rend fou. Juste avec votre petite serviette, c'est pas suffisant. Si vous le cachez pas... Bah, je le cache où, moi? Je vous assure, arrêtez. Quand vous parlez, les seins bougent. Et si vous m'excitez trop, c'est très dangereux. Comment ça, dangereux? Moi, je trouve ça plutôt... Enfin, je veux dire, je vous trouve plutôt... J'aime bien les hommes avec un accent. Rebecca, non. Ne touche pas Ricardo. Oh, Dieu. C'est bon, flippe pas. J'arrive tout de même à me retenir et de massacrer les gens. Donc, les loups-garous, ça existe aussi? Je ne sais pas. Bah, si, quand même. Là, même sans disposer de grandes capacités d'observation... C'est pas ce que vous croyez. C'est pas pour le sang. C'est pour embrasser des filles. Ça vous fait marrer. On voit bien que c'est pas à vous que ça arrive, hein. C'est une vraie addiction. Je garde cette gueule tant que j'ai pas embrassé l'objet du désir. N'insistez pas, d'accord? Je ne vais pas vous aider à régler ça. Vous étiez pas mal tout à l'heure, mais là, vous avez un museau, quoi. Je me doute bien. C'est tout mon drame. À l'état normal, je ne suis pas répugnant. Mais quand j'ai ce manque, personne ne peut avoir envie de moi. Alors, comme j'ai une déontologie, je ne viole pas les femmes que j'aime. Parce que c'est toujours de l'amour. Et même pour une minute, c'est de l'amour. Mais bon, je suis obligé de mettre au point des techniques pour qu'on me désire, malgré mon physique. Vous voulez que je vous fasse une technique de drague? Non, mais sans rire, c'est une vraie maladie. Vous devriez consulter. Et le vampire, il se fout de ma gueule. Il dit que je suis le loup dragou. C'est pas ça que je voulais que tu lui expliques, Ricardo. Oui, voilà. Pardon. Soit vous partez pour demain, madame, soit on vous tue. Et si vous parlez de notre existence... Excusez-moi, mais vous lui faites quoi au vampire? Vous le shootez pour qu'il se souvienne de rien? C'est ça? C'est cette manigance-là que je mets en danger? Les deux créatures qui shootent leur colocataire vampire? Pas ça, non. C'est pas vrai. Je lui raconte des histoires. Eh ben c'est ça, vous lui mentez. Je suis atterrée. Au lieu d'inventer des mensonges rassurants, il faudrait creuser dans ses vrais souvenirs. J'ai l'impression que, pour un vampire, les circonstances du décès, c'est un peu comme le moment de la naissance pour les humains. Je me dis aussi que les premières années à être vampire, c'est comme la petite enfance pour nous. Enfin, pour moi. Et comment est-ce que vous voulez qu'ils se construisent si personne ne se souvient de rien? Vous êtes en train de vous enferrer dans une spirale extrêmement malsaine. Ce que je devrais faire, comme thérapeute, c'est vous consentir un tarif de groupe. Alors, vous, par exemple, vous vous souvenez dans quelles circonstances vous... Tu vous vois, mon loup, elle comprend rien. On aurait dû la tuer. Tu n'as qu'à lui montrer tes pouvoirs, Liane. Elle connaît. Bonne idée. Ne me tuez pas. Qu'est-ce que vous faites là? À agiter vos branches comme ça? Je soigne par les plantes. Vos branches, elles dégagent un pollen? Non. Ne me tuez pas. Bon, Ricardo, là, tu la prends par les pieds. Allez, bouge-toi, là! Debout. On se réveille. Réveille-la, Florian. Qu'elle ne nous fasse pas un commun. Ah, c'est les Juifs. Cette faculté qu'ils ont de toujours attirer l'attention sur eux. Goddam. Il faut tout faire soi-même. Debout, Rebecca Mandel. Streisand, Rebecca Streisand. Mon mari est mort. Si tu es pour une femme, quelle pute. Je sais même pas qui c'est. Une jeune fille, c'est Streisand. Mandel est mort. On ouvre les yeux. Allez. Hein? Quoi? Docteur Lovecraft? Et votre assistant? Oh, il est bizarre, ce type, il dégage une odeur de Newcomb. Oh, il ressemble à un triton. Debout. Drogué. Dépravé. Ça va pas d'être dans les jardins de l'université vêtu d'une serviette de bain. Debout. Oh, suivez-moi. Ramasse dans cet état. On va arracher mes plantes et votre stupidité aura compromis une expérience de première importance. Les étudiants les prennent pour du cannabis et testent ainsi toutes mes nouvelles inventions. Et je vois bien que vous en avez profité. Dépravé que vous êtes. Mais j'ai rien fumé. J'étais chez le vampire. Enfin, je crois. Est-ce que j'ai rêvé? Florian, tu l'attaches. Tu l'amènes dans le laboratoire. Mais lâchez-moi, enfin! Chaque cheville entravée séparément de part et d'autre du fauteuil et qu'elle ne fiche pas du sébum partout dans mon laboratoire. Mais ça suffit, vos plans SM, là, oui? Vous allez me foutre la paix? Que faisiez-vous droguer dans le coin du jardin? Mais je n'ai pas appris de drogue. Mon assistant va effectuer quelques prélèvements. Florian, je souhaite une prise de sang et un frottis de la muqueuse buccale. Elle a dû abuser des cristaux que j'avais bouturés lors de ma dernière intervention. Peut-être que l'ascendance cosmique de son métabolisme la prédispose à des... Mais je vous dis que j'ai rien fumé! J'étais chez un patient, un vampire, et sa colocataire m'a droguée. Droguée? Oui. Vous voyez? Mais non, mais on m'a forcée! Oh, bisous, toi. Écoutez, je vous explique que je soigne un vampire. Les vampires n'existent pas. Aïe! Non, mais ça suffit maintenant! Et en plus, votre assistant, il pue, là! Il ressemble à un triton! Il y a un rapport? Hein? Oh! Moi! Is! Cannabis! Je le savais! Vous vous foutez de moi! Ou du chanvre, ou du coquelicot, mais extrêmement concentré. C'est la fille en bois. Elle a agité ses espèces de branchages et ça m'a saupoudré. Une mandragore à présent. Comprenez-moi, cher collègue. S'il y avait des vampires en costume trois pièces, des mandragores, des créatures de Frankenstein, vous ne verriez pas toutes ces abominations qui pendent dans cette pièce et dont je repousse les invasions depuis bientôt deux siècles. Mademoiselle, ce contre quoi nous nous battons, ce n'est pas ça. Il existe bien des êtres qui se nourrissent de sang. Mais les cônes et les bâtonnets de votre cornet ne pourraient même pas les visualiser. La réalité, mademoiselle, c'est que l'humain est une poussière insignifiante et accidentelle déposée sur l'échine de puissance aveugle. Ben, tout ça, je sais pas, moi. Mais moi, je dois retourner chez le vampire parce que ma moto est là-bas et je supporte pas qu'on déconne avec ma moto. Définissez vampire. Un type de 100 ans qui a l'air d'en avoir 25. La vie éternelle. Ça m'intéresse. Bah, vous l'avez pas déjà? Non. Moi, j'ai altéré. Je dois m'injecter. Ça ne vous regarde pas. Mais la vie éternelle... Vous. Vous n'imaginez pas ce que pourrait rapporter le brevet. Libérez-moi maintenant et laissez-moi m'habiller décemment. Florian, passe-lui une blouse, puisqu'elle a ses pudeurs. À voir la façon dont vous exhibez vos pattes postérieures lors des réunions de professeurs, ça serait bien la première fois. Et puis Bayonne là aussi, je ne m'entends plus. Attendons ce soir. Il vous aime bien, votre éternel. Avec un peu de chance, il viendra vous chercher. J'ai rêvé de la psy. Elle prenait son petit air pète sec avec lunettes. Alors je jouais la comédie de l'analyse pendant un moment, puis je me levais. Je disais, ça suffit. Je la plaquais au mur et je la saignais comme une vache. Ouais, mon problème c'est que je ne tue qu'en rêve. Mon trouble c'est trop d'impressions, pas assez de souvenirs. Je suis dans les limbes. Faudrait que je lui parle. Yann ! Ricardo ! Vous êtes où, les gars ? J'ai pas dit clairement à Rebecca pourquoi j'avais besoin de ses services. Je ne tue pas mes victimes. Pendant des années, j'y ai vu un motif de fierté. Je m'étais persuadé que je valais mieux que d'autres vampires. Comme si j'étais plus gentil que les autres. Mais rien de tout ça n'arrive à cause de ma prudence ou de ma considération pour les vivants. Je fais simplement un blocage. Je fais un blocage, docteur. Voilà ce qu'il faudrait lui avouer. J'ai vécu un événement traumatisant dont je ne me souviens pas. C'était il y a 100 ans, j'en conviens, mais ça me hante. Je ne me souviens pas des détails. Je me rappelle juste que tout est de ma faute. C'est la moto du docteur là-bas, à côté des douves. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Liane ? Liane ? C'est comme un mauvais pressentiment. Liane ! Quand tu te planques, c'est que t'as pas la conscience tranquille. Liane ! C'est pas du tout ce que tu crois. Ouais. Où est Rebecca ? Je la sens pas là. Elle est pas là ? Qu'est-ce que t'as fait d'elle ? Salut, Yannas. Ricardo. T'as touché à la psy. Mais non, copain, c'est pas du tout ce que tu t'imagines. D'ailleurs, elle et moi, on s'est parlé hier. On s'entend très bien. Mais sa moto est tombée en rade, Jonas. Alors, ce matin, on l'a raccompagnée. Et Ricardo, tu vois, il a sa tête de loup depuis qu'il l'a vue. Alors, il voulait... Discuter avec elle pour qu'elle comprenne le problème. Bien sûr. Et si elle comprend pas, tu l'embrasses de force, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait de ma docteur? Mais rien, je te jure. Yann, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu doutes de Liane, tu doutes de moi. Je vais te dire, tu me déçois. Le maillon faible de notre colocation, à mon avis, ce serait plutôt celui qui ne fait pas confiance à ses amis les plus proches. Et on se connaît depuis combien d'états, hein? Vous dites que vous l'avez ramené? C'est ça? Voilà, très bien. Eh ben, on va aller vérifier ça, tous les trois. Allez, on va à l'université. Allez! Florian, ils ne sont pas loin. Veux-tu pincer à nouveau notre prisonnière afin d'ajouter la confusion de ses compagnons ? C'est elle ! Ça vient d'où ? Je sais pas. Mais comment ça ? Utilise ton flair, Ricardo ! Bingo! Ça sent ce parfum si subtil et affolant dont s'aspère je t'ai si bien aimé. Mais par là, l'étage d'en dessous! Hein. Là, elle crie plus, elle est sans doute déjà morte. Allez, laissons tomber! Non! On descend, allez! Et continuez quoi? Et je suis pas bulletproof, hein. Regarde ma chemise. Et le chemise. Non, ça va pas du tout, hein. Quoi, Ricardo, qu'est-ce qu'il y a? Tu es touché? Ça, je te jure que quelqu'un va me le payer. Putain, manque à ma chemise. Mais Mais c'est pas maintenant, c'est le bouton du ventre. Tu sais très bien que tu prends systématiquement des tailles trop petites. Mais absolument pas. Chez Kenzo, il n'habille que des gens de ma corpulence. Je veux dire carré. Non. C'est tombé dans ma chute. Bordel, Liane, c'est pas des boutons qu'on trouve facilement. Il a dû tomber dans le couloir. Ah, Ricardo, tu restes ici. Ricardo. Non, c'est pas vrai. Liane, tu restes là. Moi, je vais passer par la fenêtre. Oh, Rebecca! Prends ça, non. Le vampire! Le loup-garou! Raté! Qu'est-ce que... Oh, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas idée d'être aussi bête. Je suis attaché. Oui, vous êtes attaché. Un assaut, ça se prépare. On se jette pas comme ça dans la gueule du loup. Du loup? Parle pour toi. Pardon, loup dragon. Ricardo, toi aussi t'es attaché? Et ce n'est pas très délicat. Gueule du loup, docteur. Oui, mais bon, quand même. Maintenant, on est tous ligotés chez le savon fou. Il reste Liane. Elle était avec moi. Ben non, le vampire. Regardez, votre chérie en bois aussi, elle est attachée. On est tous pris. Aïe! Vous pouvez demander à votre gros débile d'arrêter de me décoiffer, Lovecraft? Florian, cesse! Il n'est plus nécessaire de la faire hurler à présent, puisque ses amis ont accouru à son appel. C'est remarquable, n'est-ce pas, cette créature amphibie qui est née sous les océans avant que la Pangée se sépare en divers continents. Comprend d'instinct que si on vous décoiffe, vous vous mettez à crier. Ce qui va surtout se passer, c'est que vous allez vous faire virer de l'université. Vous voulez que j'établisse la liste de ce que je subis dans votre laboratoire depuis ce matin? Je vais vous coller le syndicat enseignant, les associations féministes et les associations juives sur le dos. Vous êtes à deux doigts du crime contre l'humanité. L'humanité, cher collègue, n'est qu'un accident passager dans le choc de force aveugle dont vous pouvez remercier la Providence de vous laisser ignorante. Vous devriez considérer comme une chance votre étroitesse d'esprit, car si vous étiez capable, ne serait-ce qu'à l'instant, de comprendre les motivations profondes des puissances cosmiques qui gouvernent les choses, vous sombreriez immédiatement dans la folie. Wow. C'est marrant, vous parlez comme dans les bouquins de Lovecraft. Vous avez lu mes livres? Attendez, non. Vous êtes en train de me dire que vous seriez le Lovecraft? Non mais vous rendez pas compte. C'est impossible, il aurait près de 150 ans. Et vous, mon garçon, quel âge vous donnez-vous? Non mais moi c'est différent, je suis un... Oh! Vous êtes un vampire aussi? Les vampires, ça n'existe pas. Bon, en tout cas, je suis confus d'avoir brisé vos fenêtres. Vous ne vous rendez pas compte. J'ai lu tous vos ouvrages, je suis un grand admirateur. Si on fait la liste des gens qui ont réellement compris le tragique après Sophocle, il y a quoi? Hein? Kafka et vous. C'est tout. Bon, Hölderlin, éventuellement, mais... Bon, vous voulez pas nous détacher d'abord et parler littérature ensuite, hein, non? Détachez-nous, professeur. Moi et mes compagnons, on se tiendra bien. Impossible. Ça fait partie du traitement. La projection peut être traumatisante. J'ai besoin que vous l'acceptiez. Pour certains films, il vaut mieux enchaîner les spectateurs, sinon ils partent avant la fin. La projection de quoi? Aïe, ah. Qu'est-ce que vous faites sur mon crâne? Je vous injecte un puissant sédatif. Lovecraft, vous arrêtez ça tout de suite. Je ne veux pas faire trop de mal à votre éternel. Et à présent, je m'adresse à vous trois. Nous allons extirper de la cervelle de ce prétendu vampire le secret de la vie éternelle. Extirper? De son cerveau? Je ne sais rien. Professeur, il vous dit qu'il ne se rappelle pas. Si vous souhaitez contrer ses blocages mentaux, c'est un chemin qu'il doit entreprendre de son plein gré, seul, dans le cadre de l'analyse. Ça prend du temps. Ça suffit! Vous êtes dans la croyance. Moi, j'ai besoin de résultats. Sangle le plus étroit, Florian. Plus étroit, ça veut dire tu tires, imbécile. Qu'est-ce que c'est, professeur? On dirait une chaise électrique. C'en est une. Enfin, la structure. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour le griller. Florian, le projecteur. À présent, je vais utiliser du matériel de trépanation. Je vous prie de ne pas bouger. Ça va être un peu désagréable. Vous faites quoi? Rien. Presque rien. Je vais percer un petit orifice derrière votre boîte crânienne. Bon, très bien. J'enfonce la pointe barbelée de mon projecteur derrière votre crâne. La machine excavatrice va se frayer un passage dans les masses engourdies du vieux cerveau, comme un brise-glace dans la banquise. Très bien, très bien. Et grâce à ça, je vais voir ce que j'ai dans la tête. Pas juste vous. Vous allez parcourir vos souvenirs. Et tous les spectateurs ici présents vont en profiter. Comme un public. Je vous en supplie, professeur. Ne sortez pas son cerveau de la tête si vous ne vous sentez pas capable de le remettre ensuite. Rassurez-vous, nous sommes très loin de la chirurgie. Éteins toutes les lampes, je te prie, Florian. Nous sommes au cinéma. Vous êtes où, là, Jonas? Vous marchez dans une ruelle, il y a des cadavres partout sous vos pieds. Vous m'entendez, Jonas? Je vous entends, Rebecca. Ce sont les rues d'Odessa. On est en 1918. On dirait un championnat du monde des pogroms. Ce sont les paysans qui ont fait ça? C'est le tsar? Ça ressemble pas à l'Odessa que je connais. C'est Haïdé qui les a tués. Non, Jonas. Haïdé était dans la forêt. Lui faisait respirer des tisanes, elle se tenait tranquille. Sors de ce film, s'il te plaît. Tu répètes ça depuis 100 ans, Liane. Tu sais que c'est faux. C'est Haïdé. Et c'est de ma faute. J'ai pas réussi à l'arrêter. Bah, elle est où, Haïdé, alors? La rue est déserte. Jonas, vole vers la forêt, tu verras. Elle s'y trouve et elle est docile. Non. Arrête le film, c'est mieux. Ce sont des hommes qui ont fait ce massacre. Ce sont des balles de revolver qui les ont tués. Rendez-vous à l'évidence, Jonas. Absolument pas. Je vais vous montrer. Je me souviens presque. Je vais aller par là. Oui, vers la maison de mon amour. Il y a quelque chose là-bas. C'est comme dans les moments où je ne parviens pas à écrire. Sauf qu'avec vous, j'y arrive. Haïdé a dû réveiller le bataillon des Cosaques. Je me souviens de tout à présent, oui. C'est une armée de squelettes. Elle peut faire du dégât. Mais je reconnais ce quartier. C'est ici que j'ai grandi. Voyez les braises, regardez. Vous imaginez bien que ça dure depuis plusieurs jours sans discontinuer. Qui aurait l'énergie de tuer ainsi pendant que la terre tourne plusieurs fois sur elle-même sans poser le couteau, sans faire une pause ou sans dormir un peu? Rassurez-vous, ce n'est pas l'homme qui a fait ça. Rassurez-vous, c'est l'œuvre des monstres. Voilà la maison de Cain et Yelena. C'est qui cet homme étalé au sol? Liane, qui sont ces gens? C'est Cain, son frère. Et là-bas, c'est Yelena. Ils ont été massacrés. Jonas n'a rien pu faire. Yelena. Lovecraft, arrêtez cette projection. Haïdé. Jonas, qu'est-ce que vous cherchez? C'est la faute d'Haïdé. Où est-elle? La petite. Elle ne pleure pas, je ne l'entends pas, je ne trouve pas son cadavre. Jonas, vous venez d'avoir le souvenir d'un épisode particulièrement douloureux. Le choc est rude et vous devez souffrir. Une blessure morale, aussi terrible soit-elle, à un point culminant d'une douzaine de minutes, pas davantage. Croyez-moi. Il vaut mieux se confronter à une réalité difficile qu'entretenir des chimères. Taisez-vous! Elle est dans la forêt. J'y vais. Non, Jonas! C'est mon film, Liane! Tu es dans ma tête. Tu n'as pas le choix. J'avais jamais vu Odessa de haut comme ça. Toute la Moldavanka est en feu. Et je reconnais les lieux. Je reconnais ce quartier. La maison de Yelena. Elle est basse. Deux étages. Sa tonnelle. Son petit jardin. Ça me rappelle quelque chose. Quel nombrilisme. Il faut toujours que je m'imagine que tout me concerne. Mais non. C'est pas ma maison. La mienne était deux rues plus loin. Mais cette maison, pourtant. Cette tonnelle. C'est celle de mon mari. C'est la maison où Mendel a grandi. Jonas, expliquez-moi. N'interrompez pas la projection, Rebecca. Jonas, merde! Vous n'étiez pas au cimetière pour la musique. Vous m'avez menti quand nous nous sommes rencontrés. Vous connaissiez mon mari, j'en suis sûre. C'est la maison de mon mari, là. Florian, anesthésie cette folle, elle perturbe le patient. Mais lâchez-moi, Jonas! Je suis arrivé, j'atterris. Taisez-vous. C'est la petite fille. Elle est par là. On y est presque. Qui est cette énorme femme rousse? C'est Aïdé. C'était ma sœur quand j'étais humaine. Elle s'est entourée d'une armée de squelettes et vit recluse dans cette grotte. Elle porte la fille de Cain dans ses bras. Et à côté d'elle, c'est moi, il y a un siècle. C'est bizarre de se voir dans un film. J'ai pas beaucoup changé, si. Je me conserve bien. Qu'est-ce que t'en penses, Rebecca? C'est que nous sommes une armée de squelettes, Madame Aïdé. Nous voulons déferler sur le monde, c'est notre travail. Oui, oui, oui. Nos collègues cosaques vivants ont tous les droits. Ils mettent le feu, ils violent, ils éventrent. Et nous, on devrait se contenter de rester sous la terre? Tout le monde est mort là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? La ville est presque vidée de ses juifs. Quand on sera débarrassé des juifs, ne le prenez pas mal, maîtresse. S'ils meurent tous et que notre rage subsiste, c'est bon. Ça signifie qu'on peut enfin s'en prendre au reste de l'humanité. Déferlons sur le monde! Déferlons sur le monde! Déferlons sur le monde! Ah, Jonas, te voilà. Jonas, deviens le roi des morts avec moi. Je ne les supporte plus. Donne-moi la petite. Sois le roi. Ces morts m'épuisent. J'ai sauvé la petite fille. Pour le reste, je suis arrivé trop tard. Hein? Eh bien, t'en fais une tête, Jonas. Tu veux dire que là-haut, dans la Moldavanka, ça n'était pas toi? Je voulais ton frère. Les autres, je les aurais tués uniquement si ça m'avait ramené Cain. Non. Non, je ne te crois pas. Non, non, une rage comme la tienne, ça ne se calme pas comme ça. Non. Mais face à la géopolitique, quoi qu'on fasse maintenant, on est ridicule. Si j'arrivais à présent à la surface du monde avec mes 200 squelettes, et même si je leur trouvais des chevaux fantômes, nous passerions totalement inaperçus. Nous sommes les cavaliers, mon petit Jonas. Mais l'apocalypse n'a pas besoin de nous. Donne-moi l'enfant, Aïdé. Je vais remonter avec elle. Je suis cruelle, mais pas à ce point. Elle va rester ici, avec mon armée pour la protéger. Je l'élèverai avec mon autre héritier quand il naîtra. La fille de Cain épousera mon garçon. Liane, aide-moi. Tue cette petite fille. Moi, je ne peux pas l'élever. Et la ramener à la surface pour l'abandonner dans un continent en flammes, il vaut mieux qu'elle meure. Bouge pas, Frangine. Jonas, c'est à toi de la tuer. Moi, je peux pas. Liane! Florian, il déraille. Son cerveau crame. Tourne la manivelle, tourne! Allume les lumières! Non! Retournez-y! Ce n'est pas mes informations. Où est la vampiresse? Celle-là, certainement, elle sait faire revivre. Elle connaît les secrets. Qu'est devenue cette Aïdé? Ne me cognez plus sur la tête, là, je me sens tout chose. Dans ce cas, dites-moi où est votre femelle aux cheveux rouges. Eh ben, renvoyez-moi dans le rêve et on le saura. Moi, je n'ai pas vu cette femme depuis 100 ans. Impossible! Vous êtes un idiot! Vous avez interrompu la projection de périsprit. Les lobes postérieurs de votre cerveau sont caramélisés. Je vous avais dit de ne pas bouger! Bon. Mais Jonas, avec ton crâne qui a cramé, ça a fait flamber mes sangles et celles de Liane et les tiennes. Venez, les copains, on est libres, on s'en va! Vous restez ici! Et comment tu vas m'en empêcher, petit monsieur barbu, hein? Aïe, aïe, aïe, aïe! Il n'y a aucun hasard, Jonas, c'est ça? Mes capacités médicales, vous en foutez? Si vous étiez au cimetière de Brooklyn, c'est pour une bonne raison. Dites-moi le nom de famille de cette petite fille. Liane, j'ai tué cet enfant? Jonas. Je sais qu'il y a eu des drames, mais je m'en souviens pas vraiment. À force de te saupoudrer de produits, moi aussi j'en respire tout le temps. Et franchement, je vois pas ce que ça apporte de trifouiller dans le passé. Est-ce que j'ai tout vu à l'envers? Je voyais Aïdé comme la mauvaise fille, mais elle a utilisé sa folie possessive que pour sauver ce qui restait de la famille de Cain. Et moi, j'ai tué la survivante. C'est pour ça que tu es restée avec moi, Liane, pour me saupoudrer sans cesse et que j'oublie mon crime. Et on est parti loin de l'Europe. Où est la femme éternelle? Cette petite fille n'est pas morte. Elle a dû être la mère ou la grand-mère de mon mari, Mandelbrot. Tout ça n'est qu'une gigantesque machination pour m'emmerder. Et la mort de Mendel n'est peut-être pas naturelle. Et si c'était Aïdé, La femme. Celle qui a poussé Mendel au suicide. Ça vous rassurerait vraiment beaucoup ? Quoi ? Que votre mari ait été poussé à l'infidélité et à la mort par une créature surnaturelle ? Rebecca, pour moi, ça a été pareil que vous. J'ai voulu croire qu'il y avait un monstre magique alors que tout était normal. C'est grâce à vous, sans doute. Oui, avec votre injonction à regarder les choses, ça m'est apparu clairement. Normal, la mort. Normal de ne pas recevoir l'amour qu'on attend. Normal que rien ne marche. Alors, dans votre cas, allez, faites ce petit saut dans le vide et chantonnez avec moi. Normal, il en aimait une autre. Normal, il est mort pour elle. Normal, il est mort et rien de magique n'est intervenu. Et puis pour ce qui concerne mon histoire, le méchant, je crois, bah ce n'est que moi. Je vais m'en aller maintenant. Merci, docteur. Je sais quoi faire. Je suis libre à présent. Attendez, où allez-vous ? Vous ne saurez pas. Je m'envole. Personne ne vole aussi vite que moi. Jonas, emmenez-moi. Sinon, je saute dans le vide. Ah, vous n'oserez pas. C'est pas possible d'être aussi intelligente. Quel égoïste. Il part sans nous. Tu avais raison, Liane. Et cette colocation a un problème. Il préfère la brune à nous, hein. Revenez. Je veux mon secret. Ne vous envolez pas tous les deux. On va où ? Vous m'imposez votre présence. Ah, tant pis, hein. Au moins, vous verrez où s'amène la lucidité. On a exposé mon intimité. Je me suis extrait de la projection. Et vous aviez tous le nez dans mes images. Eh, c'est pas grave, non. J'ai tiré les conséquences. Quoi ? Vous comptez faire quoi ? On va dans un endroit où il y a du monde ? Parce que j'ai qu'une chemise d'hôpital sur le dos, hein, moche en plus. Voilà, prenez mon manteau, voilà, fermez les boutons, vous aurez chaud et je verrai moins vos seins. Vous me plaisez, vous savez. Ah, pardonnez-moi, je flirte alors que ça n'a plus la moindre importance. On va où exactement ? Là où on s'est rencontrés. À Brooklyn ? Mais c'est très loin. Vous allez de plus en plus vite. Oui, au cimetière de Brooklyn. J'avais prévu d'en finir avec un peu plus de dignité. J'ai fait construire un caveau, tout exprès, depuis longtemps. Avec mon nom et tout. Une chose définitive, équipée d'un mécanisme efficace. Rouage suisse, chimie germanique, ingénierie américaine. Je crois que si ça fonctionne, quand je me jetterai dedans, ça sera sans appel. Mais bon, n'en parlons plus. Et donc quand vous étiez au cimetière, c'était pas pour moi, ni pour l'enterrement de mon mari. Ouais, pendant si longtemps, croire que j'étais un rempart contre la sauvagerie. Qui étais-je là, hein ? Qui étais-je pour aller ainsi contre l'ordre des choses ? Vous savez ce qui est arrivé à mon mari, oui ou non ? Comment il est mort, Jonas ? Répondez ! Quelle importance, de toute façon, je vais vous tuer. Jonas ! Fermez les yeux, j'accélère ! New York ! Enfin, c'est beau, c'est... Ne dites rien, c'est déjà assez pénible. Je vais vous tuer là-haut. La statue de la liberté ? Pas étonnant, vampire ou pas, vous n'êtes qu'un touriste, un moudique. Là, c'est parfait. Maintenant, Rebecca. Non, je vais pas vous laisser me parler ou me raisonner. Je souhaite commettre l'irréparable. Quand j'ai appris tout à l'heure que j'étais peut-être un meurtrier, eh ben c'est très difficile de vous expliquer ça, mais. Eh ben, j'en ai conçu un immense soulagement. Je sais pas, c'est ça ? Je sais pas si j'ai tué cet enfant ? Ouais, exactement. Et je vais vous laisser causer, vous allez instiller un doute. Vous allez m'expliquer que peut-être votre mari, c'est le descendant de cette petite fille, et que ça prouverait qu'elle a vécu et que subséquemment, je n'ai assassiné personne. Figurez-vous qu'au sujet de votre mari, vous n'êtes pas la seule à avoir des théories. Non, mais vous fatiguez pas. Oui, c'est possible. C'est même envisageable que je ne sois pas un criminel. Mais cette éventualité, l'idée que l'irréparable soit encore devant moi, parce que avec l'éternité qui m'attend, soyez certaine que je vais avoir l'occasion d'en commettre des saloperies, eh ben ça m'écrase. Donc, c'est trop lourd. Voilà, alors autant agir tout de suite. Que ça soit derrière moi. Bon, ben faites-moi un signe. Ben, dites-moi que vous comprenez mon raisonnement. Non mais enfin, il faut que je m'en prenne gratuitement à une victime indiscutablement innocente. Ainsi, j'accepterai enfin pleinement mon sort. Mort et donneur de mort. Enfin quoi, c'est grâce à vous et c'est pour vous, docteur. Cette nuit, officiellement, je prends mes fonctions. Pardon, j'y arrive pas. Cette thérapie est un échec. Il faut que je disparaisse de cette planète. Je vais filer au cimetière et construire un cercueil imparable dont je pourrai jamais sortir. Embrasse-moi. Hein ? Quoi ? Ça marche ce que vous venez de faire ? Non, je suis inqualifiable. Mais pour moi, comme pour vous, c'est... Oui, c'est très bien. Recommencez. Qu'est-ce que je suis pour vous ? Ah non. Non, ces questions-là, après l'amour, après un mois ensemble, après une première dispute, si vous voulez, mais pas tout de suite. Oui, je sais bien, mais je suis en train de tomber follement amoureuse de toi, vilain papillon. Moi, je tombe jamais amoureuse. Pareil que je suis un poisson froid. Même quand mon mari crève, tu vois, je pleure pas. Enfin, vous m'avez sauvé la vie. Vous avez remarqué ? Je dis vie. Je me disais, mon identité, c'est la morbidité. Pendant 130 ans, je me suis répété ça. Mort-vivant, mort-vivant. Mais quelle erreur ! Ce qui me caractérise. Lovecraft avait raison. C'est la vie éternelle, rien d'autre. Vous imaginez ? J'ai tout mon temps. Je n'ai pas d'attache. Mais j'ai besoin de vous. Moi aussi. Oh, je t'aime. Je sais qu'il ne faut pas dire ça le premier soir. Et certainement pas le lendemain des obsèques de son premier mari. Mais si tu savais comme je t'aime... Pardon ? Je t'aime. Pardon, je suis affreusement gêné. Je crois que ma morsure vous a... Enfin, il y a eu de la panique, mais... Enfin, je pense que vous avez surinterprété. Enfin, c'est peut-être juste une conséquence de mes passes hypnotiques. Quoi et... J'ai besoin de vous comme docteur. Sans vous, je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Tu m'as embrassé. C'était la thérapie, non ? Bon, Rebecca, enfin, soyez pas triste, enfin, soyez pas en colère. Je viens de passer 100 ans de fidélité amoureuse absolue à une fille morte. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai besoin de me recoller dans ce genre de cauchemar ? Entendez-moi bien, je ne peux ni me marier, ni engendrer d'héritier. Je suis une bête de la nuit qui a juste le choix entre déprimer ou profiter, enfin, découvrir le monde, quoi. Rebecca... Ah, vous ne voulez pas être mon amour. Ça va défiler dans mes bras. Maintenant que j'ai compris que rien n'a de sens, que je suis là pour m'amuser sans aucune mission sacrée. Enfin, comment voulez-vous que je promette quoi que ce soit à quiconque ? Salaud. Oh zut, non mais... Vous pouvez pas d'un côté m'enseigner un comportement et de l'autre vous plaindre que j'ai trop bien compris vos leçons. Ah, moi je veux bien vous embrasser, mais... Vous me suivez ? Même si vous exigiez des développements sexuels, j'y serais pas défavorable. Vous voyez bien que vous me plaisez... Rebecca, depuis votre baiser, c'est la première fois que rien n'est grave, alors... Alors tirez-vous. Absolument pas. Moi, j'ai besoin de vous tout le temps. Ce n'est que le début de ma thérapie. Choisissez un autre analyste. Parce que vous m'avez dit votre affection ? Non, mais je peux faire comme si je m'en souvenais plus. Je suis fort pour oublier, vous savez. J'ai jamais été autant prise pour une conne. Partez maintenant. Enfin, Rebecca, je ne vais pas vous laisser là, toute seule, sur la tête de la statue de la liberté. Bon bah ramenez-moi chez moi et qu'on n'en parle plus. Je suis affreusement désolé après tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, vous êtes idiot, Jonas. J'ai rien fait pour vous. C'est Lovecraft et sa projection. Moi, j'ai juste sauté dans le vide. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça qui m'a fait tellement bien. Votre médecine, c'est ça. Vous avez sauté dans le vide. Maintenant, partez. Je peux pas. Regardez, le jour se lève. Bon, écoutez, Jonas, j'ai pas fermé l'œil depuis les funérailles de mon mari. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi dormir, d'accord? Ah, venez, et je vous préviens, je me mettrai pas à poil. Est-ce que moi, je peux... Enfin, c'est pas... C'est que j'aime pas dormir avec mes habits. Je m'en fous, je regarde pas. Bon. J'ai compris, hein, vous savez. Quoi donc? J'ai compris que vous n'êtes pas amoureux de moi. J'ai même compris que ma psychanalyse, vous vous en tamponnez le coquillard. Et que tout ce que vous voulez, c'est pouvoir vous déverser sur une pauvre innocente, la garder en otage, et me parler encore et toujours de vous et de rien d'autre. Mais pourquoi vous me dites ça? Parce qu'on dirait que vous faites de votre mieux pour ne même pas m'effleurer. Ça va, hein? Je suis pas une porcelaine de Saxe. J'ai bien compris que vous n'éprouvez pas grand-chose pour moi. Enfin, pas des choses amoureuses. Mais je suis fatiguée. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous planquer à l'autre bout du lit. Vous pouvez simplement me prendre dans vos bras. Ça se reproduira plus. Non, Rebecca, vous comprenez rien. Enfin, si je vous touche pas, c'est... Tout simplement parce que... J'ai un peu honte. De quoi? Vous semblez oublier ce que je suis, en fait. Mon corps est glacial. Donc non, je reste à bonne distance, c'est mieux. Je sais pas où est Aïdé. Mais je sais qu'elle est vivante. Peut-être qu'elle est là, maintenant, là, qu'elle nous regarde, voilà. Vous avez pas idée du pouvoir de cette femme. Peut-être que je dois rester auprès de vous, Rebecca. Pour vous protéger. Vous croyez que c'est une excuse? Prenez-moi dans vos bras. Bon, peut-être que c'est une excuse, mais c'en est une bonne, non? Taisez-vous, Jonas. Vous n'êtes pas si froid, vous savez. Vraiment? Vraiment? L'Éternel de Johann Spaff. Une adaptation de L'Or des Mazières, d'après le roman de Johann Sfar, publié chez Albin Michel. Conseillère littéraire, Caroline Wasana. Avec Toufik Jalab, Juliette Nadis Bardin, Camille de Sablet, Anne K. Christopher Wright, Laurent Ferraro, Sandrine Lebert, Mustapha Abourachid, Pierre-Yves Desmonceaux, Natacha Mendes, Raresh Yenasoaï, Cyril Texier, Georges Serre, Jean-Charles Delhomme, Pascal Loison, Sébastien Fulguin, Pierre Mignard, Luna Mourati et Nicolas Marchand. Remerciements à Aurélien Bianco. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossille. Mm.